Le 14 mars, le Nautilus avait repris son imperturbable direction vers le sud. Il suivait le 50e méridien avec une vitesse considérable. Après avoir momentanément été bloqué par la banquise, le Nautilus descend encore plus vers les profondeurs pour atteindre le pôle sud. Enfin, à 6h du matin, ce jour mémorable du 19 mars, la porte du salon s'ouvrit. Le capitaine Nemo parut. « La mer libre !» me dit-il.